Moi le rap, je l'ai rencontré en jupe dans la hure. Je lui ai fait l'amour, 5 albums dans le hub contre un mur, imbécile. Je t'ai toujours dit que je voulais pas briller, tu sais. Les ampoules finissent tôt ou tard par crier. J'ai crié, que je veux que ça pète, j'ai crié. Je pose un flow tellement lourd que les prods sont pliés. Tu veux me faire oublier, tranquille mais sans fond du bruit. Cousin, tu veux me fumer, c'est toi qui finis dans le cendrier. J'ai pas de temps à perdre quand j'y pense. La roue tourne, faut juste faire attention dans tel sens. Mon sauce, j'écris des textes sans et j'fais des produits inflammables dans une ambiance de sensé. Rap français, c'est devenu une tendance, moi j'veux foncer. Les imposteurs, passe-moi le mic que je casse des bouches, moi je n'aurai pas les sourcils français. Vas-y, j'te laisse, t'as fait tes flots, moi j'vais pioncer. J'ai enfilé mes gants de boxe, mis mes rimes au point. Quiconque se dressera devant moi passera par les quatre coins. Tu meurs du son, j'ai la patate à Mike Tyson. Dealer, tu la relèves, réside dans Lyon. J'ai enfilé mes gants de boxe, mis mes rimes au point. Quiconque se dressera devant moi passera par les quatre coins. Tu meurs du son, j'ai la patate à Mike Tyson. Dealer, tu la relèves, réside dans Lyon. Entends le chant des iconiques, Kiki s'étend. L'empire attaque avec la rage dans mon couplet, Kiki s'entend. Il est temps que je fasse mes bails, ça y est l'ancien a fait son temps. Tu me reproches d'y aller fort, t'inquiète le beat est consentant. Je dédémarre, t'étais démarre, je transforme la salle en un four. Tu fais tourner autour du pot, je dis tout en faisant qu'un seul tour. Dodo dommage, t'es en rodage, forcément tu n'es plus de la cour. Tu dis que mon rap vaut pas grand chose, ça n'est même pas coté en bourse. Je te bourre le crâne, normal mon rap occupe l'espace. Ton empire s'affaiblit devant le mien, tchétché basse. Il suffit d'avoir la dalle pour bouffer le pain sur la planche. Si je parle de drogue chez moi, il n'y a que les notes qui me servent de planche. J'ai passé l'âge pour me préoccuper du game. Laisse-moi encore un 16 et tu te souviendras what's my name. Le rap est mort d'après les purs et je suis venu le ressusciter au nom de la génération futuriste. J'ai enfilé mes gants de boxe, mis mes rimes au point. Quiconque se dressera devant moi passera par les quatre coins. Tu meurs du son, j'ai la patate à Mike Tyson. Dealer, tu la relèves, réside dans Lyon. J'ai enfilé mes gants de boxe, mis mes rimes au point. Quiconque se dressera devant moi passera par les quatre coins. Tu meurs du son, j'ai la patate à Mike Tyson. Dealer, tu la relèves, réside dans Lyon. J'ai enfilé mes gants de boxe, mis mes rimes au point. Quiconque se dressera devant moi passera par les quatre coins. Tu meurs du son, j'ai la patate à Mike Tyson. Dealer, tu la relèves, réside dans Lyon. J'ai enfilé mes gants de boxe, mis mes rimes au point. Quiconque se dressera devant moi passera par les quatre coins. Tu meurs du son, j'ai la patate.